centaine de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, oh c'est alléchant. Chez Lidl, mais quoi encore? Ben les litchis. Demain et après-demain, les litchis frais en vrac sont à un prix alléchant. 2,79€ le kilo. Des litchis frais en vrac à 2,79€ le kilo chez Lidl, c'est pas vrai. Ah chichi, chez frais est vrai. Et ils sont à s'en lécher les babines, hein. C'est litchis en vrac origine Madagascar. N'agace pas, car tu pourrais te retrouver en vrac toi aussi. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Origine Madagascar. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Pour Noël, offrez un livre. Elle voulait voir la mer de Gilbert Borde. Mai 44, pourchassé par les nazis, 5 jeunes rêvent de gagner l'Amérique. Un roman bouleversant, un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. L'Antarctique de Mike Horn. 5000 km seul dans l'enfer blanc, par moins 50 degrés. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Pharaon de Christian Jacques. L'incroyable histoire du pharaon que l'on surnommera plus tard le Napoléon égyptien. Un livre XO. La bonne idée cadeau. Histoire d'or présente un Noël magique. Je l'imagine bien faire. Waouh! Ah, j'aurais plus dit waouh! Non, waouh! C'est ça qu'elle dira notre petite Zoé devant son cadeau Histoire d'or. À Noël, découvrez nos collections de bijoux pour toute la famille dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Cyril, pourquoi tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest? Mais parce que c'est divin. Et puis foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non! Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, loué ou Saint-Sevé, est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Depuis plus de 60 ans et partout en France, les compagnons bâtisseurs construisent les fondations d'une société plus juste et solidaire. Ils viennent en aide aux personnes les plus fragiles et rénovent avec elles leur logement. Grâce à ces milliers de chantiers solidaires, ils reconstruisent l'espoir et font bien plus que rénover des bâtiments, ils restaurent des vies. Faites un don en vous rendant sur compagnonsbâtisseurs.eu. Auchan et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan La Vie en Or proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas entendu, mais il y a eu une publicité, belle opération, puisque c'est le calendrier de l'Avent Grand Frais qui réserve une grosse surprise. Il y a un animateur d'RTL qui sera avant midi dans le grand magasin Grand Frais. Et là, je m'aperçois que j'ai reçu hier un texto de Christopher Baldelli, le président d'RTL. « Julien, réserve-moi un créneau entre 11h30 et midi demain. Je ne t'en dis pas plus, ça va t'amuser. » Tiens, je vais peut-être essayer de le rappeler. On va se retrouver dans... Mais on ne sait pas, c'est peut-être Philippe Bouvard, ça peut être n'importe quel animateur. Nous allons donc maintenant accueillir, si vous le voulez bien, Christine. Christine, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour ma Christine, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de l'Essonne. Alors, c'est incroyable ce qui vous arrive. Là, on est en plein, mais alors les deux pieds joints dans la bêtise administrative. Essayez de raconter clairement à nos auditeurs d'RTL votre mésaventure. D'accord. D'accord. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté de m'aider. Oh bah écoutez, et donc, voilà ce qui m'est arrivé. À 800 balles l'appel, j'aurais été bien bête de refuser. D'ailleurs, je n'ai rien reçu, Christine, on en parlera vous tout à l'heure. Vous n'avez pas reçu le chèque encore, voilà. Comme le monsieur d'avant, vous voyez. Je vais appeler Julien Courbet. Allez-y, Christine. Alors voilà, donc le 30 octobre, je suis passée en mairie pour déposer mon dossier pour mon renouvellement de carte d'identité, que j'aurais dû avoir sous 10 jours. Donc mon dossier n'évoluant pas, je suis passée plusieurs fois à la mairie pour essayer d'avoir des explications. Ils étaient incapables de m'en donner. Ils ont fini par me donner une adresse mail de la préfecture de police. Ça, c'était vers la mi-octobre, vers le 15 octobre. J'ai envoyé 3 mails parce que j'avais pas de réponse. Et j'ai eu une réponse le 3 décembre de la préfecture de police me disant que il fallait que je fasse rectifier mon acte de naissance parce que mon nom de jeune fille s'est rouillé avec un E accent aigu à la fin. Mais je vous pose juste une question, Christine. Ça ne posait pas de problème avant. Pourquoi tout d'un coup, met à poser des problèmes, cet accent? Ah, parce que je ne comprends pas, parce que j'ai 58 ans. Mais j'allais vous demander, puis-je m'autorisez-vous à donner votre âge? En 58 ans, vous n'avez jamais eu de problème de papier d'identité. Là, tout d'un coup, il y a un accent qui vient d'arriver, on ne sait pas d'où il vient, et qui pose des problèmes. C'est ça qui est dingue. Alors aujourd'hui, ils vous disent quoi? Ça fait combien de temps que vous galérez déjà? Depuis le 26 octobre, c'est ça? Depuis le 30 octobre, voilà. D'accord. Et alors aujourd'hui, on vous dit quoi? Quelle est la solution pour l'administration? Alors, donc, la préfecture de police m'a dit que c'était à moi de faire la démarche d'aller à ma mairie de naissance pour faire rectifier mon acte de naissance. Ce que j'ai fait le lendemain dès que j'ai reçu. Et donc? Et donc là, j'ai dû apporter mon acte de naissance, l'acte de naissance de mon père. Christine, essayez de me dire, j'ai bien compris la galère des papiers administratifs, de tout ce que vous avez fait, les allers-retours. Dites-moi aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est le dernier point? Donc, le dernier point, quand je suis passée le 10 décembre à la mairie, ils m'ont dit qu'il y en aurait pour des semaines, peut-être des mois. D'accord. On rappelle quand même, Maître Fellonneau, que du coup, elle devait partir en voyage, mais elle n'avait pas de passeport. N'ayant pas de passeport, elle a perdu le voyage. Oui, alors ça, si vous voulez... Bon, c'est sûr que c'est très contrariant, mais ce n'est pas ce qui motive Christine... Je dis pas que ça la motive, non, dis juste que c'est un point important. Combien vous a coûté le voyage, Christine? Eh bien, j'ai perdu 300 euros. Voilà, très bien, et vous n'avez pas pu partir en vacances. Non, et en plus, quand j'avais été déposer mon dossier à la mairie, je leur avais dit que j'avais un voyage dans 3 semaines et j'avais mis une photocopie de mon billet d'avion. Bon, d'accord. Alors, Maître Fellonneau. Alors, effectivement, c'est une demande de modification d'état civil et une requête qui est très récente, hein, puisqu'elle date du 10 décembre et on peut s'étonner que déjà RTL accepte d'aider Christine. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté de prendre ce dossier. C'est qu'on lui fait faire une requête de modification de son nom qui n'a pas lieu d'être. J'ai son ancienne carte d'identité, il y avait bien E accent aigu, tout est en ordre, son état civil, son extrait de naissance, il n'y a pas de problème, ce sont les mêmes documents qu'elle a donnés chaque fois qu'elle a fait renouveler sa carte d'identité, et aujourd'hui ça bloque, mais par quelle fantaisie... Donc on est bien d'accord que l'accent a toujours été là, quelqu'un l'a fait disparaître, on demande de lui remettre. Ouais, exactement, alors quelqu'un ne veut pas le lire, ou dit tiens, bon, c'est comme si c'est comme ça, on s'en moque, et on lui dit ça prendra des mois. Moi je dis non, ça ne peut pas prendre des mois, on doit avoir ses papiers d'identité. Un mot de Charlotte. Il y a Brigitte qui vient de nous appeler au standard. Elle vit exactement la même situation. Ah bon, on va la prendre dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Vous êtes là, Brigitte? Tout à fait, Julien. Je suis là, bonjour. Alors, Brigitte, en deux mots, vous avez un accent qui était là, qui a disparu, qu'il faut remettre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'ai écrit mon nom sur les documents en majuscule. Donc, en majuscule, on n'accentue pas. Et puis là, à la mairie de Reims, on me dit « Ah mais, je ne sais pas par où ils ont trouvé qu'il y avait un accent avant. Donc, il faut nous apporter un acte de naissance. » Mais alors, le conseil, c'est de mettre les accents même quand il y a des majuscules, du coup? Mais j'ai l'impression. Mais de toute façon, elle n'a même pas, notre auditrice, à le faire, puisque sa carte d'identité, l'ancienne, il y a l'accent dessus. C'est en majuscule et il y a un accent. Bon. Alors, c'est vrai que son extrait de naissance, en revanche, il n'y a pas d'accent. Sur celui de son père, c'était des lettres... Comme moi. Nous allons appeler dans quelques instants Christine. Et vous êtes où, madame? La dame qui a appelé, comment s'appelle-t-elle? Brigitte, vous êtes dans quelle préfecture? Moi, je suis à Reims. Bon, on va voir comment on peut avancer. Ben, vous êtes deux, les gars, il y a Bernard. Oui. Vous préférez... alors, on va donner la priorité à comment s'appelle-t-elle, à Christine. Vous préférez que ça soit Bernard ou Hervé, Christine? Ah, ben, n'importe. Comme c'est à vous de choisir. Ah, on choisit Hervé, alors. Ah, voilà, c'est Hervé qui s'occupe de Christine. Écoutez, vous êtes très à son goût. Et c'est Bernard qui s'occuperait de la deuxième auditrice. Enfin, je dis Christine, mais je m'aperçois que vos prénoms, c'est Christine, Marie et Thérèse, c'est ça? Voilà. Et moi, c'est Brigitte Thérèse. Voilà. Ah, voilà. Alors, je n'ai qu'à moi dire joyeux Noël, Thérèse. C'est Thérèse Épouzix. Évidemment que ça ne rentre pas, Thérèse Épouzix. C'est quand même qu'il est bureaulier. Il travaille dans les bureaux. On se retrouve dans une seconde. RTL. Noël approche. Êtes-vous prêts? Envie de trouver le cadeau idéal pour Noël? Rendez-vous chez Nocibé pour combler tous ceux que vous aimez. Parfums, coffrets, palettes, des offres exceptionnelles à tous les prix vous attendent en magasin ou sur nocibé.fr. Et jusqu'à la dernière minute, profitez du click and collect 2h sur nocibé.fr. Nocibé, la beauté libérée. Conditions dans les magasins participants et sur nocibé.fr. Messieurs, dames, notre voyage continue, direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut, et en plus c'est beau. À Noël chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de ne plus avoir à attendre les soldes pour se faire plaisir. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour deux articles, profitez de moins 20%. Trois articles, moins 30. Quatre articles, moins 40. Et cinq articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 15 décembre au 8 janvier, sur articles signalés. Conditions et liste des magasins ouverts sur kiabi.com. Picard. Le moment du dessert. La bûche chocolat vanille et son croustillant praliné. La version pâtissière et sa mousse au café. Ou le sorbet coco citron vert sous sa meringue légère. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce réveillon, je compte bien me faire plaisir. En ce moment, chez Picard, laissez-vous surprendre par notre collection de 23 bûches glacées et pâtissières en édition limitée et passez Noël sous une bonne étoile. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alors, je fais les présentations. La bague, mon doigt, la bague. Bon, je vais vous laisser faire tranquillement connaissance. En tout cas, perso, je trouve que vous allez hyper bien ensemble. Non, vraiment, vous êtes au top. Habituez-vous à porter des bijoux de créateurs avec la nouvelle collection Le Manège à bijoux. Comme la bague créée par Sheila Andrioli Stuart en or gris et diamant à partir de 325 euros. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats, 750 millième. Leclerc. Bague en or gris 2,50 g et diamant 0,22 carats, taille 54. Ah, j'ai du nouveau. Vous avez une voiture, Maître Fellono? Oui. Vous savez où est Évreux? Parce qu'on vous attend au magasin Grand Frais. Il est 10h. L'information sur RTL, il y sera peut-être aussi. C'était avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. De 120 à 150 euros de plus tous les mois pour les policiers, le gouvernement et les trois principaux syndicats sont finalement tombés d'accord après une journée de protestation. Le ministre de l'Intérieur a également promis de payer les 275 millions d'euros que l'État doit aux policiers au titre des heures supplémentaires impayées depuis des dizaines d'années, selon les syndicats qui parlent d'une avancée conséquente. Les forces de l'ordre ont été largement sollicité pendant la crise des Gilets jaunes. Le Parlement doit adopter définitivement le projet de budget 2019 avant d'examiner cet après-midi les mesures d'urgence promises par le gouvernement. Urgence économique et sociale, défiscalisation des heures supplémentaires, exonération de CSG pour certains retraités, mais aussi la possibilité d'une prime exceptionnelle de 1000 euros versée par les entreprises, mais exceptionnellement exonérée de charges. Les suites judiciaires de l'incendie d'un péage de Bandol dans le Var, 14 Gilets jaunes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire hier soir dans le cadre d'une enquête pour incendie volontaire, participation à un attroupement en vue de commettre des violences et même rébellion pour certains des prévenus. En marge du mouvement des Gilets jaunes, plusieurs péages et installations autoroutières ont été dégradés dans le sud de la France, de Perpignan à Orange en passant par La Ciotat ces dernières semaines. À Marseille, conseil municipal sous pression ce matin, un mois et demi après l'effondrement mortel de deux immeubles vétustes du centre-ville. Plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés devant la mairie ce matin. Elle est elle-même protégée par des CRS. La mairie, le conseil municipal, s'est ouvert par une minute de silence en hommage aux 8 victimes de la rue d'Aubagne. Le maire Jean-Claude Gaudin va demander que l'effondrement des immeubles soit classé en catastrophe naturelle. La France reste engagée militairement en Syrie, annonce le gouvernement, alors que Donald Trump vient d'annoncer le départ des 2000 soldats américains sur place. Il affirme avoir vaincu Daesh. Cette organisation terroriste n'est pas rayée de la carte, selon la ministre française des armées Florence Parly. Elle estime qu'il faut encore vaincre militairement de manière définitive les dernières poches du groupe État islamique. La bourse de Paris, elle a ouvert dans le rouge ce matin. Toujours dans le rouge, moins 1,45%, le CAC 40 autour des 4708 points. La météo pour cet après-midi, un temps encore bien nuageux avec même parfois de la pluie et du vent sur les trois quarts du pays, quelques éclaircies à l'ouest et toujours un temps sec et agréable sur le sud-est des Alpes à la Méditerranée. Les températures pour cet après-midi, il fera 6 degrés à Aurillac, vous aurez 8 degrés à Strasbourg et à Dijon, 10 à Lille et à Paris, 11 à Clermont-Ferrand, 12 au Mans, 13 à Toulouse, 14 à Biarritz et 15 degrés à Perpignan. Fabriqués en France, les oreillers et couettes Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. Les courses nous emmènent aujourd'hui à Cabourg. Voici les pronostics de Claude Piersanti pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 7, le 16, le 8, le 3, le 4, le 11, le 13, le 5 et la dernière minute, c'est le numéro 8, California of Love. Il est 10h03 sur RTL. Vous retrouvez Julien Courbet. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour d'autres infos. Je vous rappelle que ce matin, comme tous les matins depuis 18 ans maintenant ou 19 ans, nous essayons de régler vos problèmes dans un esprit de Noël avec toutes les équipes qui sont là. Attention, nous allons faire le point info. Joyeux Noël à tous sur RTL. It's the most wonderful time of the year. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Alors, nous avons démarré ce matin avec cette histoire de panneaux photovoltaïques. 5000 euros d'acompte pour des panneaux solaires et depuis plus d'un an, pas de pause et pas de remboursement. Bernard, vous ne nous avez pas dit, donc nous avons appelé ce monsieur, bon, qui nous a dit « mais j'allais le faire, mais je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas pu le faire ». On a essayé de le mettre face à ses contradictions, d'autant plus qu'on a appris qu'il avait fait pris le devis, les 5000 euros, sous le nom d'une société qui a fermé, mais qu'il n'avait toujours pas remboursé, mais qu'il lui dit « j'allais t'amener le matériel sur une deuxième société ». Enfin bon, ça paraissait quand même un peu bizarre. Non, c'est en fait le récépissé, c'est l'accusé de réception de cet acompte qui a été fait au nom d'une société qui était fermée, mais le devis et le chèque ont bien été faits au nom de la même société, qui est in bonis, ce qui fait qu'elle peut tout à fait rembourser. Sinon, alors, on aurait été dans l'impossibilité. Où en est-on ? On aurait aimé un virement, puisqu'il lui avait envoyé un virement. Parce qu'il nous dit « je lui ai envoyé le chèque, je ne comprends pas qu'il l'ait pas reçu ». Et donc, comme ça se perd toujours les chèques, sauf quand ils sont à recommander, bien sûr que notre auditeur lui a dit « je vais t'envoyer un RIB ». Et malheureusement, il ne veut pas. Alors là, maintenant, la situation a évolué. 10 minutes de négociation, on est tombé d'accord là-dessus, Julien. Il va faire un virement de son compte personnel à Patrice, notre auditeur, le jeudi 27 décembre. Il s'excuse, il fait mea culpa, il a tort, il le dit, donc il n'y a plus de soucis là-dessus. Et il vous remercie et il espère que quand il vous apporte la preuve, que vous puissiez, donc au mois de janvier, annoncer qu'il est de bonne foi. Mais on dira qu'il l'a fait, qu'il est honnête, mais il faut juste qu'il comprenne qu'on ne peut pas comme ça. C'est ce qui rend fou les gens. Vous donnez 5000 euros et la personne ne vient pas. Alors c'est vrai qu'il lui a dit j'ai eu des problèmes familiaux, il pleut, etc. Et au bout d'un moment, on dit je suis en train de me faire voler. Donc que ce monsieur lui envoie le virement, on sera ravis de dire que tout va bien. Deuxième cas qui a été lancé il y a quelques instants, c'est cette histoire de bêtises administratives. À cause d'un accent aigu qui apparaissait sur ses papiers avant et qui n'apparaît plus maintenant, Christine se retrouve sans carte d'identité. Bon, alors on va essayer de régler ça dans une seconde et je lance une grande consultation sur le Facebook. Est-ce que je chante trop ? Parce qu'il y a eu quand même 3-4 commentaires qui sont arrivés de gens qui disent, bon c'est bien, mais ils commencent à se laisser aller, à trop chanter et moi je ne veux faire que ce que veulent les auditeurs. Donc si vous trouvez que je chante trop, effectivement je vais couper le robinet à chanter. Mais ne dites pas non, c'est les auditeurs qui décident. S'ils décident que oui, je calmerai un peu. Peut-être qu'ils diront oui, mais un peu moins, ou un peu plus juste, je ne sais pas. Préparez donc s'il vous plaît, un sondage, ma chère Céline, dans quelques instants. Avec plaisir. Allez, dans quelques instants, parce qu'il est là. Nous sommes là quand même pour vous aider, vous le savez. Mettez-vous à la place de cette dame qui n'a pas pu partir en vacances. Parce que tout d'un coup, on lui enlève un accent qui apparaît pourtant sur sa carte d'identité, mais comme elle se l'est fait voler, on lui dit « à cause de ce problème d'accent, retournez dans votre ville de naissance ». Enfin bref, elle n'a toujours pas de papier. Nous réglons ça sur RTL, je l'espère, dans une seconde. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui arrive à Noël ? Un kilo de litchi. Bah ouais. Mais comment t'as trouvé ? C'était facile. En ce moment, le kilo de litchi est à 2,79€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à vendredi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Madagascar. Sur France 3, une semaine tout en bleu avec tout le sport. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait rêver. Mais que deviennent les Bleus après la folle aventure du Mondial ? Découvrez l'interview inédite du phénomène Blaise Matuidi. Tout le sport, ce soir à 20h45. France 3, vous êtes au bon endroit. Faites les fêtes chez Géant et faites pétiller les bons plans. Jusqu'au lundi 24 décembre, pendant les heures géantes, de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur les champagnes. Oui, jusqu'à moins 50%. Joyeuses économies à tous chez Géant. Remise sous forme de bons d'achat, voire conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous attaquons donc ce problème administratif. Céline, rappelez-nous ce que nous a dit Christine. Elle se retrouve sans papier parce que l'administration ne comprend pas qu'avant, sur son nom de jeune fille, il y avait un accent et maintenant, apparemment, il n'y en a plus sur ses papiers. Gros, gros cafouillage. Alors, nous allons appeler Maître Fellonneau, apparemment la mairie. Pourquoi la mairie ? Parce que c'est la seule habilité à faire cette modification d'état civil, car effectivement, à l'époque de l'année de naissance de Christine, sur l'état civil, il y a son nom de famille en lettres majuscules, mais sans indication d'accent aigu. D'accord. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'elle a eu toujours tous ses papiers au nom de Rouillé, avec E accent aigu, à la fin. Donc on se demande pourquoi maintenant ça ne marche plus. Nous allons appeler la mairie du département de Christine. Bienvenue au centre d'appel de votre mairie du 14e arrondissement. Ah, non, c'est 15e, on m'a mis sur la fiche. Non, c'est la mairie de naissance qu'on appelle, là où l'acte de naissance est édité. C'est bien compliqué. Donc vous êtes né dans le 14e et il faut faire les papiers dans le 15e. Oui, parce que c'était la mairie où ils étaient disponibles pour le recevoir pour déposer le dossier. Ah bon ? Il y a des mairies qui sont disponibles. Alors, c'est intéressant, dis donc. Il faut prendre les rendez-vous. Des fois, on peut attendre plus de 3 semaines dans certaines mairies. Tu te pointes dans le 8e, désolé. L'agent qui va vous recevoir, il est dans le 20e. Dépêchez-vous, il est disponible que 20 minutes. Mais j'aurai jamais le temps d'y aller. Ah ben dans ces cas-là, il faudra repartir dans le 19e. Mais c'est un peu ça, malheureusement. C'est tout à fait ça. Mais c'est un truc de dingue, ça, Christine. Ah oui, totalement. Christine, j'en profite comme mon patient, là, qu'il ne se passe rien. Vous trouvez que je chante trop ? Ah non, pas du tout. Non, mais franchement, dites-moi la vérité. Ah non, pas du tout. D'accord. Je trouve que plutôt... Et puis, comme on traite des problèmes, c'est bien d'avoir un petit peu de gaieté quand c'est même. C'est ce que je me dis aussi, vous voyez. Donc, mais oui. Bon, mais je veux pas embêter les gens, moi. Je veux pas qu'ils disent... Oh, ils chantent trop. Tiens, je vais vous offrir des chocolats, vous voulez ? Oh ben, avec plaisir. Ben voilà, c'est RTL et Jeff de Bruges qui vous offrent, ainsi qu'à tous ceux qui sont passés sur l'antenne, même le monsieur des panneaux photovoltaïques, un bel assortiment, si, des meilleures recettes chocolatées de Jeff de Bruges, un ballotin de chocolat, des truffes onctueuses, et croyez-moi, les truffes, moi, je peux vous dire que je connais bien, puisque je travaille avec 5 d'entre elles depuis maintenant 19 ans, ben, c'est super bon. Merci. De délicates Juliette et un coffret de palais grand cru. Voilà, vous allez gagner tout ça. Oh ben c'est super, vous êtes très gentil avec tous écoutez, vos auditeurs. Et vous savez quoi, j'ai le droit à une boîte, qu'on lui mette ma boîte également. Voilà, ça me fait plaisir, Christine. Alors on en est où du côté de la mairie ? On est en attente. Bon, on est en attente. D'accord. Alors après la préfecture... Je vous écoute. Non, j'allais vous dire, c'est la boîte de chocolat, il faut la donner à vos collaboratrices. Ah, ben, je vais la donner à mes collaboratrices. C'est très gentil, ma Christine. Bon, ils savent que je les aime, vous savez, c'est des plaisanteries. Mais la préfecture pourra-t-elle nous aider ? Alors, la préfecture, elle, c'est elle qui a trouvé cette histoire d'accent aigu manquant ou présent. Et donc, le seul moyen qu'elle a indiqué, c'est de dire, effectivement, si vous voulez vous appeler Rouillé avec un accent alerte. Aigu... Je vous écoute. La mairie du 14e. Allô, la mairie du 14e ? Au standard, oui. Bonjour, le standard de la mairie du 14e. Bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'ai à mes côtés Maître Fellonneau, l'avocate de l'émission, qui vous explique le but de notre appel. On cherche à joindre le service d'état civil pour une requête en rectification d'état civil. Et il paraîtrait qu'il faudrait des mois pour la faire. Et on s'en étonne car c'est une personne qui n'a pas de papier d'identité et qui se retrouve effectivement dans une situation très délicate à cause de ça. Alors, écoutez, je suis navrée, mais le jeudi, l'état civil n'est ouvert qu'à partir de 14h. Ah bon, le jeudi ? Alors, on pourrait l'avoir à partir de 14h ou demain, peut-être ? Alors, je vous donne la ligne directe. Vous pouvez les rappeler à partir de 14h jusqu'à 19h30. Bon, alors, on va appeler l'après-midi. Vous notez le numéro, Hervé ? Oh mince, demain, c'est dommage. Et demain, c'est ouvert le matin ? Oui, je pense. Oui, à partir de 8h30. D'accord. Bon, ben c'est parfait. Vous voyez, merci Madame Joupin, Servet Pouchol, dans le cadre des nouvelles résolutions que je viens de prendre. Je ne chanterai pas. C'est fermé le jeudi. Aussi. Voilà. On pourrait le faire, mais je ne le ferai pas. Je tiens à le dire, je respecte les quelques commentaires qui sont arrivés sur Facebook. On en était à la préfecture. Pourquoi faudrait-il appeler la préfecture ? La préfecture, maintenant que Christine a déposé cette requête en rectification d'état civil, elle est dessaisie du dossier. Elle attend d'avoir la rectification et ensuite elle fera les papiers au nom de Rouillé, E, accent aigu. Voilà. Vous avez été à la préfecture déjà, Christine ? Non, je leur ai envoyé 3 mails. Bon, alors écoutez, vous leur avez envoyé 3 mails, on essaiera de les appeler. Et figurez-vous, c'est un hasard incroyable. Comment s'appelle le préfet de la préfecture de police qui s'occupe du cas de Christine ? Michel Delpuech. Ah, vous allez chanter ça. Mais non, alors. Ah non. Moi, j'essaie de me sevrer et de faire des efforts pour ne pas chanter, et vous me mettez un cas où le préfet s'appelle Michel Delpuech, qu'elle a d'ailleurs rencontré, Christine. Il l'a reçu dans son bureau, et il lui a dit, écoutez, je suis embêté, mais on pourra, dans un premier temps, te dire qu'on a perdu le tampon, le temps de faire le nécessaire. Ensuite, on dira que c'est l'accent sur le nom de famille de tes parents qui nous empêche de le faire. Quand on aura tout épuisé, on te refera faire un dossier. Ça nous fera passer tout l'hiver. Et quand t'auras bien tout refait, on te dira qu'on l'a paumé. Tu n'auras plus qu'à le refaire. Voilà, donc écoutez. Mais c'était la dernière de l'année parce que les gens ne sont pas contents. Bon, Christine. C'était excellent. C'est un peu ça. On se retrouve dès que nous avons. Donc la mairie, c'est fichu. On essaie la préfecture hors antenne et vous me passez quelqu'un, s'il vous plaît, Hervé. C'est pas fichu, la mairie. Ah bon ? Non, c'est pas fichu parce que je suis en train d'avoir le responsable du service de la mairie qui va peut-être pouvoir nous aider. C'est fou parce que c'est fermé qu'il n'y a personne. Hein. La chanson fait si c'est fichu. Vous voyez, et c'est pas fichu. C'est fantastique. Il est 10h14, nous sommes sur RTL. Nous avons lancé deux cas. L'un est normalement résolu, nous attendons des nouvelles du recommandé avec le chèque. Le deuxième est parti, et dans une seconde, s'il vous plaît. On fera un retour sur le dossier de Sonia, c'était ce déménagement avec casse et perte. Elle est assistante maternelle, impossible de travailler parce qu'il lui manque tout son matériel. Et de qui va-t-on prendre des nouvelles également dans quelques instants? Napo. Du petit Napo. Napo, c'est la mascotte de l'émission. C'est ce chien que vous avez financé qui va bientôt aider un non-voyant. Il continue sa formation. Qu'a-t-il appris cette semaine? Nous faisons le point tous les jeudis. Nous le saurons après avoir écouté dans l'armée. Vous avez fait l'armée, Alain Hazard, le rédacteur en chef de l'émission. Vous l'avez fait où? Du côté de Lunéville. C'était intéressant? Absolument, Julien. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Rien. Très bien. Merci beaucoup. In the Army Now. A vacation in a foreign land. Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Génialissime titre, In the Army Now, dans une seconde des nouvelles de Napo, et puis nous attaquerons en près un troisième cas. C'est Sonia et son déménagement un peu catastrophe avec de la casse et de la perte. Pendant ce temps, l'Hervé Pouchol continue de négocier avec la mairie concernant les papiers que notre auditrice n'arrive pas à se faire refaire à cause d'un accent, il nous en dira plus. C'est l'esprit de Noël qui règne sur votre émission. C'est le 9h31 RTL, bonne journée. So easy to be in love. Auchan et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non ? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan La Vie en Or proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15€ de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 gigas et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. France 2. Et si je vous proposais de faire de France 2 la plus grande scène de spectacle de France ? Le grand échiquier revient. Théâtre, opéra, danse, trois univers qui vont se rencontrer, pourquoi pas fusionner, une soirée exceptionnelle en direct. Le grand échiquier, présenté par Anne-Sophie Lapix, ce soir à 21h sur France 2. Nocibé. Envie de gagner du temps pour vos cadeaux de Noël ? Avec Nocibé, vous pouvez récupérer vos cadeaux en 2 heures. Oui, en 2 heures seulement. Dans un magasin près de chez vous avec le click and collect gratuit ou bien livré par coursier où vous voulez dans plus de 20 grandes villes en France. Nocibé, la beauté libérée. Conditions, liste des villes et magasins participants sur nocibé.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, il était un foie. Il était une fois. Non, il était un foie. En ce moment, pour les semaines de luxe, le foie gras de canard entier est à 6,29€ le pot de 125 grammes. 6,29€ le foie gras de canard entier, ça jette un froid. Oh, un foie de canard, oui. Et du canard origine France dans un pot refermable. Eh ben cette fois, on est vraiment mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 50,32€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. RTL présente le 22e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Du 15 au 20 janvier, ne manquez pas le premier grand rendez-vous cinéma de l'année, présidé par Alexandra Lamy. Venez découvrir les succès et talents de demain et les comédies qui feront l'événement en 2019. Le festival de l'Alpe d'Huez, c'est avec RTL. Retrouvez toutes les informations sur festival-alpeduez.com. Picard. L'apéritif qui commence. La bouchée à la truffe et au comté. La douceur du foie gras sur son biscuit croustillant. Ou le moelleux de la mini-brioche au homard. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce réveillon, je compte bien me faire plaisir. En ce moment, chez Picard, laissez-vous surprendre par l'originalité de nos bouchées apéritives en édition limitée et passez Noël sous une bonne étoile. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et comme tous les jeudis, celui qui fait partie de la famille, monsieur Paul Charles, le président de la Fédération française des associations de chiens d'aveugles, est avec nous. Nous rappelons que vous, les auditeurs d'RTL, vous avez financé à hauteur de, je ne sais plus combien... 25 000 euros. 25 000 euros, la formation du petit Napo, qui est un labrador, donc qui va être maintenant, et qui est la mascotte de l'émission, et qui apprend petit à petit à devenir un chien pour non-voyants. Paul Charles, bonjour, où en est Napo ? Bonjour Julien. Alors, qu'est-ce qu'il a pris de nouveau ? Il y a des vidéos sur le Facebook. Vous avez vu la vidéo magnifique, vous avez vu que Louise lui apprend à contourner les obstacles et notamment des incivilités d'automobilistes sur les trottoirs, garés sur les trottoirs. Il faut que par la suite, avec son maître, il soit capable de contourner cette voiture dans toute sécurité, de lui faire longer la voiture pour pas qu'il aille au milieu de la route. C'est génial. Il faut absolument que tout ça soit fait correctement. La vidéo est super, j'avais jamais vu. On voit, pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui ne peuvent pas y aller sur la page « Ça peut vous arriver », on voit donc Napo qui avance, il y a une voiture qui est en travers du chemin, il s'arrête et il se met en travers des jambes donc de son maître en lui disant « n'avance voilà. pas » et après il lui montre qu'il faut longer la voiture. C'est extraordinaire. Oui. À un moment, ça me donne la chair de poule quand je vois ça. C'est tellement mignon et gentil. Bon, quoi d'autre ? Ah ben quoi d'autre, si vous voulez, évidemment. Ah ben tout va bien, Julien, vous savez que bientôt c'est Noël, bientôt nous allons faire des cadeaux à nombreux déficients visuels qui vont arriver avec leurs nouveaux chiens. Donc tout ceci, bien sûr, on espère que nos donateurs vont être là, présents, comme vous avez été présents sur vos antennes, et qui ont permis de récolter ces 25 000 euros pour l'impôt. Eh ben, c'est extraordinaire, encore une fois. Et je vous écoute, Paul. Oui, je pense qu'on pourrait peut-être éviter des choses... Je vais vous demander 30 secondes, Julien. Ah. Oui, dites à la jeune fille de vous laisser. Bon, qu'est-ce qui se passe, Paul? Je suis un petit peu ému, Julien, je suis un petit peu ému. Parce que. Oh non! Ah, oh non, il est là! Au moment où je parle, il y a Napo qui rentre dans le studio. Oh mais c'est que je comprenais pas ce qui vous arrivait. Oh là là, oh mon doudou. Oh, voilà. Oh ouais, mais voilà, je suis en train de caresser Napo. Que t'es mignon, mon bonhomme. Bon, ben on va faire des photos. Bon, mais merci. Ben, oui, mon bonhomme. Oui. Allez, non, il m'aime bien. Il arrête pas de me lécher. Par contre, son maître ne me fait pas la bise. Ça, je. Oh, il l'attendait, celle-là. Voilà, la très gentille. Bon, ben, salez-vous, voilà. C'est juste fantastique. Alors, il y a le petit Napo, voilà, on le caresse tous, qui est en train de. C'est un bon élève. Alors, on va juste demander à sa formatrice, est-ce qu'il y a des chiens qui sont meilleurs élèves que d'autres parce qu'ils ont moins de concentration ou... Alors, c'est sûr qu'il y a quelques chiens plus appliqués que d'autres au travail. Napo fait partie de ceux-là. Et voilà, j'en suis très fière de ce chien. Et il sera prêt quand, alors, Napo? Début juin. D'accord. Ah oui, quand même, c'est si long. Ah oui, ça, ouais. Ça se fait pas en 5 minutes. Julien, il faut lui donner et ne pas non plus aller trop vite parce qu'il faut qu'il absorbe toutes les ordres qu'on va lui donner. C'est 60 ordres à peu près qu'un chien guide connaît. Il faut qu'il soit mis en face de toutes ses responsabilités. Il va prendre également des responsabilités, ce chien. Il faut pas l'oublier. C'est fantastique. Même la formation qu'on lui donne, il est capable de désobéir. Mais ça fait partie, quand vous choisissez un chien, parce que celui-là, on le voit, il est en train de faire des léchouilles à tout le monde, il est heureux avec tout le monde. Il faut qu'il ait cette particularité-là, ce chien dès le départ, ou c'est parce que vous l'avez appris à être gentil comme ça avec tout le monde? Ah ouais, ils sont tous gentils, nos chiens. Leur caractère est important. Bien sûr, d'abord, ce que nous regardons, si vous voulez, s'il faut que physiquement, ce chien soit capable, sur la durée, de ne pas avoir de problème de santé. Donc, bien sûr, notre sélection en amont, dans notre centre d'élevage dont dépend et sorti Napo, est importante, si vous voulez. Et bien sûr, le caractère aussi. On ne va pas mettre un chien qui a des caractères un petit peu dans tous les sens. Là, vous avez été me chercher un chien, parce qu'actuellement, je le dis pour tous les auditeurs, il est sur le dos, avec les pattes en l'air, en train de se faire. Il y a des fois, on voudrait bien prendre la place. Bon, ben merci c'est en tout ce cas. Que je dis souvent. Ben, c'est une belle surprise parce que je rêvais de le voir, Napo. Donc je vais profiter de ce qui va arriver maintenant pour aller lui faire plein de caresses. Et puis si vous pouvez aider à votre façon, la Fédération française des associations de chiens guides aveugles. Nous, on continue à suivre le parcours de Napo. Et puis en juin, il y aura la remise officielle à un non-voyant. Bien sûr. Et ben merci à tous et à toute votre équipe. Donc vous êtes venus à 4 là. C'est toute l'équipe. Oui, on n'a pas amené tout l'effectif complet quand non, même. Mais bien sûr. On a amené les principaux acteurs. Allez, ça marche. Nous allons reprendre nos cas. Je ne sais même plus où on en était du coup. Ah, je vois qu'il est troublé complètement. Ah ben, complètement, là, oui. Dans quelques instants, on appelle. On va revenir sur le dossier de Sonia, son déménagement avec de la casse et de la perte. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas. C'est Zazie sur l'antenne d'RTL avec Speed et nous avons une alerte pendant que Napo vient de se taper un petit roupillon. Il vient de s'allonger sur la moquette et il se repose un peu parce qu'il a fait la fête à tout le monde. Nous revenons sur le cas de Christine. Elle est sans carte d'identité et sans passeport à cause d'un problème d'accent, problème administratif. Que se passera-t-il dans quelques instants, Hervé Pouchol? J'ai eu du nouveau suspense dans quelques minutes. Eh bien attention, la mairie donc, qui normalement était fermée ce matin et n'ouvrait que cet après-midi, grâce au don de persuasion d'Hervé Pouchol, nous allons en savoir plus. Et en cette période de Noël, ben voilà, on est bien heureux d'avoir eu le petit Napo dans le studio. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois. Conditions sur orange.fr. Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant. Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour l'achat d'une bouteille de champagne Tétinger Prélude Grand Cru acheté, la boîte de caviar Barry Français 20 grammes est offerte jusqu'au 24 décembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sœur, c'est le thriller de Bernard Minier. Bernard le URTL, un suspense noir, vénéneux, envoûtant. Le Parisien, la tension atteint des sommets et on en sort littéralement essoré. Sœur de Bernard Minier, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Leclerc. Chérie, j'ai une surprise. Mais non, des homards. Des homards à 19,99€ le kilo chez Leclerc. Pour un sublime repas de fête. Moins de 20€ le kilo de homards. Chez Leclerc. On va se régaler. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 20 au 24 décembre, le homard cuit pêché en Atlantique Nord-Ouest de 300 à 400 grammes pièce est à 19,99€ le kilo. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Du homard. La tête que va faire maman. J'ose même pas imaginer. Pour votre santé, bougez plus. L'empereur de Paris. La seule chose qui t'intéresse, c'est la vengeance. Faire la guerre à toutes ces ordures qui te collent à la peau. Pour survivre, il est prêt à tout. Un ex-bagnard obsédé par l'idée de se racheter une place dans la société. Spectaculaire, phénoménal, par le réalisateur de Mérine. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. L'empereur de Paris, avec Vincent Cassel. Actuellement au cinéma. Avec RTL. C'est bientôt Noël. Dépêchez-vous de trouver le cadeau idéal. Avec Groupon, vivez les fêtes en économisant sur une foule de bons plans, d'expériences et de cadeaux à offrir à vos proches. Téléchargez l'appli gratuite Groupon dès maintenant pour découvrir nos offres beauté, bien-être, restaurant, loisirs et sorties. Offrez des expériences près de chez vous et donnez du sens à l'esprit de Noël. Avec Groupon, c'est cadeau. Vite, téléchargez l'appli gratuite et économisez. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Vous voyez la publicité parler de l'esprit de Noël, on est en plein dedans là, avec le petit Napo qui est là, qui se fait caresser par tout le monde, qui va devenir très prochainement un chien pour non-voyants grâce à vous les auditeurs d'RTL. Mais là, nous revenons sur une alerte, Céline. Sur le dossier de Christine qui est sans carte d'identité et sans passeport à cause d'un problème administratif. Vous avez pu avancer avec la mairie peut-être, Hervé Pouchol. La mairie de naissance, la mairie du 14e arrondissement, c'est quand même le plus gros état civil de France. Et ce matin, c'est fermé au public, mais j'ai réussi à avoir non seulement la directrice générale des services adjointe qui était en réunion, qui est sortie de la réunion pour nous et qui m'a passé la responsable de l'état civil qui s'appelle Madame Ruiz, qui va recevoir Christine en urgence. Oh, c'est fantastique. Dès cet après-midi, voire demain, j'ai sa ligne directe et ils sont vraiment formidables. Parce génial. Ils ont pris du temps pour m'écouter et d'essayer d'aider cette dame. Alors Christine, vous avez entendu? Oui, c'est passé, bravo. C'est un peu Noël avant l'heure, là, l'histoire. Alors, tout à fait, vous êtes vraiment fantastique. Alors, vous pouvez y aller cet après-midi ou demain? Plutôt demain, je pense, oui. D'accord. Donc, oui, c'est quelle mairie qu'il faut féliciter? C'est la mairie du 14e. Bravo à la mairie du 14e. On est vraiment heureux de pouvoir dire quand les administrations fonctionnent comme ça, parce que je le rappelle, elle avait économisé pour ses vacances. On attend tous les vacances avec impatience. Elle ne pouvait pas partir. Et ça, les vacances, c'est que un des problèmes qu'elle peut avoir. Mais après, imaginez, quand elle va se retrouver dans la spirale sans papier pour d'autres problèmes, ça peut être terrible. Bon, Christine, j'attends que vous me donniez début janvier le résultat, puisque là, l'émission va breaker pendant quelques jours. Et nous revenons tout début janvier. Vous me dites comment s'est passé le rendez-vous avec cette madame Louise, que je remercie. D'accord ? Je vous tiendrai au courant, comptez sur moi. Merci beaucoup. Et merci. Merci à vous et bonne fête de fin d'année à vous tous. Quelque chose à rajouter, Maître Felloneau ? Je pensais qu'on aurait ce rendez-vous aussi rapidement. Bravo Hervé, c'est Noël, effectivement, dans la famille de Christine. Bien. Et d'ailleurs, notre responsable qui est là, Monsieur Charles, est en train de vous regarder depuis tout à l'heure et se demande si vous ne pourriez pas, vous également, être dressé d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui ont essayé, mais... Qu'est-ce que vous en pensez, Christine ? Je ne pense pas. Alors, je pense pas qu'elle va se laisser faire, elle aura raison. Pourtant, quand elle était jeune, je ne vais pas dévoiler ce qu'elle faisait, mais elle allait souvent dans des établissements où on lui mettait une laisse, où elle marchait, mais maintenant c'est terminé tout ça, elle est devenue avocate depuis. Nous allons, si vous le voulez bien, enchaîner sur quoi là ? Sur Sonia, plus de 1 500 € pour un déménagement avec de la casse et de la perte. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Bernard ? Non, je vous disais qu'elle était aux abois à l'époque. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, vous voyez, ça c'est en remerciement pour tous nos amis des chiens non-voyants. Bernard Sabat fait une blague une fois par an et c'est tombé sur vous. Vous avez de la chance. Allez, on se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. De quoi parlera-t-on ? Sonia, son déménagement ? 1 500 €. Ah ben oui, c'est un truc de dingue. On va le faire tout de suite parce que ça, c'est de l'urgence. Donc, Maître Felloneau, vous nous rappelez maintenant ces histoires de mètre cube, ces histoires de devis. Écoutez bien parce que c'est très important. Alors, Sonia aurait fait faire deux devis au bon déménageur, un de 32 mètres cubes et un de 45 mètres cubes. Elle aurait envoyé un mail disant qu'elle donnait son accord pour le contrat numéro 564, qui est celui de 45 mètres cubes avec un prix de 1 533 €. Le jour du déménagement, c'est un sous-traitant qui est arrivé et qui, lui, n'a pris que 32 mètres cubes car il avait été missionné pour déménager 32 mètres cubes. Immédiatement, sur cette lettre de voiture, elle a fait une réserve en disant « Mais attendez, j'ai signé pour 45 mètres cubes, prenez le reste. » Et ils lui ont dit « Bah, vous verrez avec la maison mère, nous, on a fait notre boulot. » Voilà. Et en plus, monsieur, ils ne l'ont pas bien fait, ils ont fait de la casse. Enfin, nous les avons appelés, ils nous avaient dit « Mais je vais vous prouver que cette dame a signé le devis. On attend toujours parce qu'on n'a pas reçu le devis. On a reçu juste la lettre de voiture, voilà, qui est la fin de la mission. Voilà. Le document que les déménageurs vous font signer. Parce que s'il y a de la casse, il faut le mettre tout de suite. Dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, sur la lettre de voiture, c'est le petit mètre cube. C'est exactement, pas le gros. C'est 32 mètres cubes qu'il y a d'inscrit. Bon, alors, vous voulez quand même écouter ce qu'il nous avait dit donc à l'époque, en l'occurrence à 48 heures. Concernant les deux devis signés, dommage que nous soyons à la radio. Non, mais vous allez me l'envoyer. Nous ne puissions pas produire le visuel pour que l'affaire soit réglée. Mais je vais vous envoyer évidemment le seul devis signé que nous avons, qui est celui de 32 mètres cubes. Alors, elle ne nous a jamais renvoyé le 45 mètres cubes signé. Je vais vous l'envoyer par mail et vous pourrez en attester. Donc nous ne l'avons toujours pas, donc nous allons rappeler si vous le voulez bien. Et il est là, monsieur Fabrice, le directeur du Bon Déménageur. Alors, il souhaite parler et prendre la parole. Tant mieux, c'est génial. Merci d'être avec nous, monsieur. Génial, en effet. Merci beaucoup. Allez, je vous écoute. Donner à nouveau la parole, parce que la proportion que ça prend maintenant à l'antenne, alors qu'on s'est engagé malgré la différence de tarifs qui normalement aurait dû être légitime, vous en faites des caisses aujourd'hui. Je suis assez. C'est normal pour un déménagement. Entre-temps, après recherche évidemment en interne, il s'avère que Madame Sonia a reçu un devis pour 45 mètres cubes, pour un montant de 1 900 et quelques euros. Donc vous qui en faisiez également une affaire de principe, de dire que le même prix avait été facturé pour 32 et pour 45, et que c'est de là que venait l'erreur. Alors, on a quand même retrouvé successivement un certain nombre de devis, il y a eu plusieurs modifications sur le dossier de Madame Sonia, et donc, son bon pour accord est parvenu dans l'intervalle, avant que le volume soit précisé, qu'un nouveau devis lui soit renvoyé. Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Attendez, deux secondes. Qu'est-ce que vous avez compris, Maître Felloneau ? Alors, j'ai compris qu'effectivement, il y avait eu des erreurs sur les devis qui ont été rectifiées, mais que la rectification, je pense, sur le prix des 45 mètres cubes, a été faite postérieurement à l'accord donné par Sonia. Maintenant, Sonia m'a jamais dit tout ça. On va lui demander. Alors, Sonia, qu'en est-il ? Parce qu'on découvre ça. C'est un bon pour accord entre le devis initial et le devis modifié. On peut juste demander à Sonia. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. À la base, avec Madame Marshall, on avait fait un premier devis pour un appartement avec un monte-meuble, oui. Voilà. Donc c'était 45 mètres cubes Devine, 1900 et quelques. Ok. D'accord, c'est le premier. Elle a modifié, parce que je suis partie sur une maison. Elle a enlevé juste les 350 euros. Qui faisait 1553. Exactement. Pour celui-là. D'accord. J'ai donné mon accord pour celui-là. D'ailleurs, il y a marqué, je l'ai sous les yeux, monte-meuble, non. Transbordement, non. Passage de fenêtre, non. Ascenseur, non. Donc, voilà. Il a été modifié, on a juste retiré le tarif du monte-meuble. Tout à fait. Et suite à ça, après le bon accord, elle m'a envoyé un mail pour dire « Ok, on a bien reçu votre bon pour accord. » Suite à ça, il y a eu en bas, et ça je ne l'ai pas vu, c'est quand votre Fabrice en a parlé, il y avait un devis, et c'est là qu'il a été modifié. Et à aucun moment, j'ai demandé 32 000. Mathieu. C'est à la lecture de votre inventaire qu'en effet, il y a une modification qui est apportée. Bon, de toute façon, on est en train de faire de la littérature et ça ne va pas faire avancer le dossier. Pour être pragmatique, et c'est l'accord qu'on a pris ensemble par téléphone avant-hier, vous m'avez appelé malheureusement trop tard hier, il restait 10 secondes d'émission, on a eu le temps vraiment de statuer dessus. Mais les calculs ont été faits. Donc, le montant de 1530 euros, qui est le devis que vous aviez accepté initialement, vous avez réglé quasiment intégralité sauf 156 euros et vous allez donc être on a réactualisé donc les tarifs et vous devez normalement vous acquitter du montant seulement de 1097 euros. Ah mais je le ferai une fois que j'aurai eu mes 13 mètres cubes, il n'y a pas de souci. Mes 13 mètres cubes. Il avait été d'accord pour les 45. Alors attendez, deux secondes Sonia. Sonia, s'il vous plaît, tous les deux, s'il vous plaît, Bernard Sabat. Je vais juste refaire un petit résumé, c'est important. D'abord, la confusion vient du numéro de devis. Le devis est identique pour 32 mètres cubes et 45 mètres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aujourd'hui, Sonia défend un argument recevable, c'est qu'elle a toujours ses 13 mètres cubes bloqués dans un endroit et sur lequel elle paye journalièrement justement cette garde de meubles. Donc ça, on voudrait quand même que ce monsieur-là, Fabrice, nous dise quelque chose là-dessus. Vous m'avez appelé en me demandant quoi ? Quelle était la réclamation de Madame Sonia ? C'était qu'on rembourse le différentiel perçu à tort sur les 13 mètres cubes. Là, on est en train de partir sur une autre discussion complètement. Non, Fabrice, excusez-moi. L'objectif, c'est la négociation avec vous. Excusez-moi, Fabrice. Là, je reprends la parole. Vous m'aviez dit, on doit solder ce dossier. Il y avait 45 mètres cubes à livrer. On n'en a pris que 32. Donc, il en reste 13 mètres cubes. Je vais trouver une solution. Et cette dame-là va payer le différentiel. Voilà comment on s'était entendu tous les deux. Alors, pas hier, puisque évidemment on n'a pas eu le temps réellement d'en discuter, avant-hier, les derniers mots que j'ai prononcés et que vous m'avez fait prononcer, c'est rendez-vous demain matin, pendant l'émission, pour statuer du montant qu'on va rembourser à madame. Si vous avez eu la possibilité de repasser mes propos d'avant-hier concernant le devis, repasser également mes propos de la fin de conversation qui dit demain matin on fait les calculs et on vous dit combien on rembourse à madame Sonia. Bon. Il n'a jamais été question de parler d'une relivraison de ces 13 mètres cubes. Maintenant, si vous me demandez ça, il faut qu'on travaille dessus. Juste monsieur, écoutez, on va pas remettre tout ça, mais est-ce que vous me confirmez que vous travaillez toujours avec JK Transport et Déménagement au Mans ? Non, il est arrêté. Voilà. Pourquoi vous avez arrêté, monsieur ? Suite à, justement, un certain nombre de problèmes. Attendez, je termine juste. Donc, cette dame, il n'avait pas de sangle, il n'avait pas de truc. Soldons ce dossier, parce que vous faites appel à des gens, vous voyez qu'ils viennent sans même couverture ni rien, monsieur. C'est la vérité. Monsieur Courbet, non, on ne voit pas. On ne voit pas, justement, on n'est pas sur les chantiers. Notre système, notre mode de fonctionnement, mais si vous avez quelques secondes pour que je puisse... Je le comprends, c'est une bavarde. Là, je dois marquer une pause, je vous retourne dans une seconde, vous allez nous l'expliquer. C'est juste, ne chipotons pas, monsieur, je vous assure. On a fait des cas de déménagement, là, on passe par des plateformes. Vous ne savez même pas qui vous envoyez, vous ne les voyez pas. Donc essayez de rassurer les gens et de montrer que quand il y a un pépin, ça s'arrange. On se retrouve dans une seconde, Bernard Sabat vous parle. 11h-12h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Je ne sais pas si vous êtes des hommes fidèles, mais si je vous dis que Laetitia Casta et Lily Rose Depp sont les invités d'À la bonne heure pour le film L'homme fidèle, alors je suis sûr que vous allez être des auditeurs fidèles. Et À la bonne heure sur RTL, c'est à 11h. À tout à l'heure. Auchan et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix, dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non ? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan, la vie en or, proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. Cyril, pourquoi tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest ? Mais parce que c'est divin. Et puis foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Lande, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. J'ai une jolie cave à la maison, mais j'ai pas un seul champagne. En ce moment, chez Carrefour Market, il y a de belles promos. Pour un produit acheté, le second est gratuit sur plein de produits de grandes marques. Mais comment ça ? Par exemple, la deuxième bouteille de champagne de Castellane brut ou rosé, cuvée Commodore, est gratuite jusqu'au 31 décembre. Je peux vraiment toujours compter sur vous. Carrefour Market. Vos magasins Carrefour Market sont ouverts dimanche toute la journée. La bouteille de 75 centilitres pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. Liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors toujours cette histoire de déménagement, là on va pas le répéter. Vous avez bien compris qu'il y a ce problème entre Sonia sur ce mètre cube. On a expliqué tout ça, les rectificatifs. Qu'avez-vous à nous dire, Bernard Sabat ? Ce qui est important de comprendre, et on va conclure là-dessus, et après on aura la position de Fabrice, en deux mots, Julien. Aujourd'hui, donc, il y a des dégâts occasionnés pour, évidemment, notre auditrice. Ils sont prêts à les payer, c'est ce que nous a dit Fabrice. Ça, c'est le premier point. En contrepartie, il veut le solde de 156 euros payé par notre auditrice. Mais notre auditrice dit la chose suivante. Moi, je veux bien payer 156 à une seule condition, c'est que les 13 mètres cubes qu'il y a là-bas, je veux qu'on me les rapatrie et qu'on me les livre. Tout changé. Mais non, c'est pas tout changé, monsieur. Il n'a jamais été question de ça lors de notre première conversation avant-hier. Monsieur, écoutez-moi. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un vous dise venez déménager ma maison, mais laissez quelques meubles dans. C'est tout ou rien. Ne passez pas à autre chose. Il n'est pas question de trouver ça normal ou pas normal. Il est question de répondre à votre demande qui n'était pas celle-ci avant-hier. Mais si, monsieur, mais si, c'était ça notre demande. Ça a toujours été ça, monsieur. Mais non. Vous m'avez demandé de calculer qui est. Monsieur, était le moi, ma demande. Alors, je vais. De le rembourser à Sonia. Non, non, non, non, monsieur. C'est pas vrai. J'ai accepté de. C'est pas vrai. Je vous donne le montant. Vous remboursez à hauteur de combien ? 280 euros, qui est le différentiel. Non, non, non, non. Ben, il vaut mieux dans ces cas-là qu'elle passe par demanderjustice.com et que tout le monde aille devant un tribunal. On a un service. Ça, bah, vos 2000 euros, il y a plus de 250 euros de frais. Bon, allez, on va arrêter là, on va pas discuter, oui, monsieur. Que, voilà. Je pense que c'est. Donc, je pense que madame, voilà ce qui va se passer. C'est que demanderjustice.com, qui est l'organisme qui s'occupe de faire des procès, vous n'aurez que le timbre apaisé. Vous allez passer par demanderjustice.com. Ce monsieur sera convoqué devant le juge. Vous allez expliquer tout ça. Vous allez expliquer que c'est JK Transport et Déménagement, monsieur Karim Jail, qui est venu sans les couvertures, sans rien. Vous allez montrer le devis contrat numéro 38-564 qui stipule volume déclaré 45 mètres cubes. Lui, il expliquera tout ce qu'il a expliqué et après, le juge décidera et puis là, les auditeurs se feront l'idée qu'ils veulent. Moi, j'ai rien à leur dire sur Le Bon Déménageur qui est une plateforme qui envoie des déménageurs. Mais monsieur nous a dit il y a quelques instants, moi, je ne peux pas vérifier qui va là-bas. D'ailleurs, on a arrêté de travailler avec JK Transport parce qu'on n'était pas content. Maître Felloneau. Oui, effectivement. Et alors, je ne sais pas, on s'est mal compris avec ce monsieur parce que la réclamation de Sonia, elle est claire, elle fait l'objet d'un recommandaire depuis le 19 novembre. Non, je vais vous la relire, monsieur, donnez-la-moi s'il vous plaît, maître Felloneau, au cas où, et on finira là-dessus. Deux secondes, Sonia. Voilà, après, c'est pas ce que RTL demande, c'est ce que le client demande. Madame Le Dornay-Sonia a écrit au Bon Déménageur 242 boulevard Voltaire à Paris le 19 novembre. En date du 10 octobre, vous m'avez fait une proposition de devis en vue de mon installation dans mon futur logement. Madame Marchal a apporté quelques modifications telles que le cubage et type de logement afin qu'elle réalise un devis concret à mon besoin. Je lui indiquais que mes effets personnels, etc. Bref. De plus, j'ai des nouveaux contrats qui commencent début décembre sous la restitution des biens. Je ne peux rien faire professionnellement et j'espère avoir récupéré ce qui me revient de droit. Sans ça, je ne peux pas reprendre comme convenu mon activité professionnelle. Voilà. Alors maintenant, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Mais c'est pas question de faire ce que je veux, monsieur Courbet. Ah, bah, vous faites pas ce que vous voulez, alors. Non, on s'est mal compris, alors. Précisément de relivrer. Ok, bon, on s'est mal compris. Voilà. J'aurais travaillé sur ça. Voilà. Plutôt que sur le remboursement. Ben, relivrez alors, relivrez, donnez-lui ses 45 mètres cubes. Exprimez clairement vos demandes. Alors, maître Felloneau, très rapidement, la demande est la suivante, allez-y. Alors, la demande est la livraison, évidemment, des 13 mètres cubes restants, ainsi que l'indemnisation, je finis ma phrase, monsieur, si vous permettez, l'indemnisation de la table endommagée, de la cage d'escalier pour lesquelles vous avez reçu des devis. Voilà. Mais sur ça, je me suis déjà engagé. Exactement. Bon, alors, voilà, elle l'a dit, ça a été enregistré, donc on pourra le rediffuser autant de fois que vous voulez. Voilà. Si vous pouvez rediffuser votre demande précise d'avant-hier. D'accord. On comprendrait également que vous ne m'avez pas demandé de relivrer, mais vous m'avez demandé d'indemniser le différentiel des 13 mètres cubes non chargés. Monsieur, voilà. Excusez-moi, mais vous allez me faire devenir fou. Allez, sincèrement, devenir fou. Voilà, ce n'est pas normal de parler comme ça alors qu'on a une discussion sur les 45 mètres cubes. Monsieur, vous faites ce que vous voulez. C'est honteux ce que vous dites, monsieur. Arrêtez le montant de l'indemnisation, monsieur Sabat, soyez gentil. Allez, Sonia, un dernier mot, et après vous nous dites si vous... Juste à vous dire que à cause de cette histoire, j'ai loupé 4 contrats d'assistante maternelle et mes enfants et chez moi, on dort depuis plus d'un mois sur des matelas, c'est honteux. Bon, eh bien vous direz ça au juge de proximité qui va s'en occuper avec demandezjustice.com si vous ne trouvez pas d'accord avec ce monsieur. Et puis, voilà. Oui, avant-hier, vous me l'aviez expliqué. Ok, allez monsieur, on va pas être bon, c'est bon. Pour m'aider. Ne vous inquiétez pas, ce monsieur, il a le temps de réfléchir jusqu'à demain. Voilà. Après, c'est demandezjustice.com qui rentre en roue. Et puis, devant le juge, il pourra expliquer la technique du bon déménageur. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci Sonia, merci monsieur. Bonjour, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, pleines de douceur, de bonheur, de gourmandises de toutes sortes. Évidemment, profitez de ces moments particuliers en compagnie d'RTL. Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant. Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour l'achat d'une bouteille de champagne Tétinger Prélude Grand Cru acheté, la boîte de caviar Barry Français 20 grammes est offerte jusqu'au 24 décembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Bonne journée avec RTL. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine, rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Il paraît qu'à Noël, on se pardonne tout. Bien sûr. Bon, de toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10€ le ballotin. Jeff de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non, mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, loué ou Saint-Sevé, est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors Arnaud est passé le jeudi 13 décembre. C'était une première dans l'histoire du 9h30-11h. Un auditeur qui se fait expulser de son hôtel, raccompagné à l'aéroport, est contraint de rentrer chez lui en France. Pourquoi Maître Felonneau? Parce que quand il arrive, la chambre est dégueulasse, les toilettes, apparemment, la chasse d'eau est cassée, les sanitaires sont pleins de moisissures. Quant aux couettes, inutile de vous dire que c'est une fresque d'art moderne. Oui, exactement. Donc ils disent, on ne dort pas là-dedans. Et du coup, on dit, ah oui, vous ne dormez pas là-dedans, on va vous faire dormir ailleurs. Il y a 6 gardes du corps qui les expulsent par le parking et qui les ramènent à l'aéroport. Et débrouille-toi, trouve-toi un nouveau billet pour rentrer. Heureusement, d'ailleurs, qu'ils ont trouvé de quoi rentrer rapidement. Alors, nous avions appelé nos amis de Carrefour Voyage, qui ne peuvent pas tout vérifier, mais c'est quand même eux qui commercialisent cet hôtel. Et alors, on va garder l'anonymat d'une deuxième personne qui nous a appelé et qui nous a dit, j'ai vécu la même chose. Exactement, cet été, ils ont vécu la même chose sur un autre établissement hôtelier, ce qui est donc surprenant. Et c'est pour ça que monsieur le ministre, qui peut-être nous entend, monsieur le ministre du Tourisme, monsieur Trabelsi, c'est important qu'il sache que malheureusement, les hôteliers en difficulté en Tunisie, alors que c'est un pays extraordinaire, ne jouent pas toujours leur rôle. Alors, nous avions eu effectivement le ministre, monsieur Trabelsi, parce que, donc, si on récapitule, nous avons eu Carrefour, mais Trabelsi aussi. Et qui nous a dit, j'offre monsieur le ministre nous a offert également un voyage pour Arnaud. Où en est-on avec Carrefour Voyage? Alors Carrefour Voyage, Julien, voici le mail qu'ils nous ont envoyé. Carrefour Voyage confirme être au courant de ce litige et assure que la famille Lahaye, donc en l'occurrence Arnaud, de la prise en considération de sa réclamation. Carrefour Voyage est désolé de cet incident et a demandé à son avocat de se rapprocher de celui de la famille Lahaye, parce qu'ils avaient pris un avocat, dans les plus brefs délais pour accélérer le traitement de ce dossier. Donc c'est une réponse circonstanciée, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est très bien, ils vont se rapprocher entre deux avocats pour parler et trouver une solution. Je pense que le dossier va bien avancer, Julien. Arnaud, vous avez entendu ? Oui, Julien. Voilà, oui, oui. Donc il y a toujours ce voyage qui est en cours. On attend des nouvelles de l'Office du tourisme, oui, du ministre. Et puis là, Carrefour Voyage. Mais il faut vraiment que Carrefour Voyage là, tape fort sur la table et vous indemnise. Hein, parce que sinon, ça fait peur. Quand on rentre dans, chez un professionnel qui vous envoie dans un hôtel où on se fait expulser, c'est grave. Et moi, je dois dire que si Arnaud n'avait pas eu des témoins de la façon dont les gardes du corps l'ont pris Manu Militari, je ne l'aurais jamais cru. Et le fait qu'il y ait d'autres témoins qui ont vécu la même aventure, effectivement, bah, vous donne tout le crédit. J'espère que vous serez indemnisé comme il faut. Comme allez, dernier mot. Oui, ben on lui doit donc le voyage et puis ses billets qu'il a racheté au retour et son taxi pour le retour parce qu'il a payé ça de sa propre poche. C'est pas normal. On se tient au courant, mais on avance en 2019, Arnaud, pour régler ce problème. Bonne journée, merci à vous. Moi, je trouve que ce morceau de musique correspond bien à ce qu'on a vécu ce matin. Oui. C'est la gaieté, c'est le bonheur, c'est Noël, c'est le petit Napo, le Labrador, qui est là dans les studios, qui fait la fête à tout le monde et qui va rendre heureux une personne non-voyante très prochainement. Merci en tout cas à l'association qui s'est déplacée. Ils sont venus nous faire la surprise ce matin. C'était un moment vraiment très émouvant et ça nous donne envie de recommencer, pourquoi pas, l'année prochaine, une autre opération comme celle-ci, mais une personne non-voyante au mois de juin aura l'honneur d'avoir Napo comme chien guide, qui est un chien extraordinaire. Et bravo, je tiens à vous le dire, monsieur Charles, à vos équipes, parce qu'ils sont charmants et on sent le dévouement de ce personnel et l'amour qu'ils ont pour les bêtes. Voilà, le mot de la fin, il est pour vous. Mais alors, rapidement, par contre, parce qu'on est un peu, je ne vous le cache pas, à la bourre. Simplement, merci Julien pour tout ceci et merci à nos auditeurs surtout. Bah, bien sûr. Ce sont eux qui ont c'est leur tout donné pour que Napo arrive au bras d'un déficient visuel. C'est extraordinaire. Merci pour ce cadeau de Noël. Eh bien, merci. Vous revenez quand vous voulez. Si vous avez un problème avec un plombier également, on est là pour ça. Allez, à tout de suite sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, c'est la fin. Des haricots ? Ah non mais non, au contraire, pour eux ça ne fait que commencer. Demain et après-demain chez Lidl, les haricots verts sont à 1,99€ le sachet de 500 grammes. 1,99€ le sachet de 500 grammes de haricots ? Je suis vert, tu me racontes pas des salades au moins ? Bah non patron, hein, c'est le vrai prix. Ah oh, on est vraiment mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 3,98€ le kilo, catégorie 1, origine Kenya ou Guatemala. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Bah l'imprime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000€ minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël quoi. Et puis en fait, c'était vrai. Et j'ai raté l'offre. Bon, depuis je crois à tout, moi, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Eh mais répétez-le pas, hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Ma femme est très saumon et moi plutôt foie gras. Alors quand j'ai vu que pour Noël chez Carrefour, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les foie gras et saumon fumé, j'ai pas hésité. Résultat des courses, se régaler à Noël et faire des économies, c'est possible. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat avec votre carte Carrefour sur tous les foie gras et saumon fumé. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Offre limitée à 90 euros d'achat. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Savez-vous que le cuisinier Apicius a préféré s'empoisonner plutôt que de réduire ses dépenses de frais de bouche? Et que les restaurants ont été inventés pendant la Révolution française? Ou encore que la tartiflette n'a pas 40 ans d'existence? Bon, vous l'avez compris, on savoure l'histoire de la gastronomie française. Rendez-vous tout à l'heure sur RTL à 14h. Merci à toutes les équipes, on a bien avancé et on continue, on est encore là demain à 9h30. Monsieur Bern, m'entendez-vous? J'ai cru comprendre que ça allait être une belle matinée pour vous. Absolument, je suis absolument enchanté, cher Julien Courbet. Je suis en compagnie de Laetitia Casta et de Lily Rose Depp pour une émission vraiment sympathique. On va parler d'un très joli film, L'Homme Fidèle, voilà ce que vous êtes. Hein, ah oui, mais c'est surtout, là, je m'aperçois de la différence entre vous et moi. Vous êtes avec Laetitia Casta et Lily Rose Depp et... Moi, j'ai passé la matinée avec Bernard Sabat et Hervé Pouchol. Un petit peu. Oui. Bon, c'est là où c'est moi que je crois que j'ai un peu raté quand même quelque chose à un moment donné dans ma carrière. Vous avez choisi votre destin. Je m'aperçois. Ah bah, vous m'avez pas souhaité. C'est pas un joyeux Noël que vous m'avez souhaité là. Allez, je vous souhaite une bonne émission.